Chapitre 18e. Ce vieillard, recourant à des moyens ignobles pour contraindre cette fille à le subir, malgré l'aversion qu'il savait lui inspirer, était tombé aussi bas et plus bas qu'elle-même, car enfin, cette créature abandonnée vivait dans le vice et du vice, de même que certaines bêtes des marais vivent dans la fange et de la fange, tandis que cet homme descendait d'une position élevée, honorable, pour ramper dans la boue de son immonde passion. L'instinct de Cricri lui donnait conscience de sa supériorité relative sur M. de Francheville depuis qu'elle avait découvert la position qu'il occupait. Elle reprit d'un ton de mépris railleur et de défi. « À mon tour, mon Anatole, nous sommes ici à deux jeux. Tu crois me tenir et c'est toi qui es pincé. Vraiment. Tu vas le sentir. Je pourrais d'abord te répondre que l'échéance du billet étant à 3 mois, tu ne me tiendrais au pis-aller que pendant 3 mois. À cela, je te répondrai à mon tour, ma chère. » Premièrement, qu'il n'y a pas de prescription contre le faux. Deuxièmement, que la veille de son échéance, tu contreferas de nouveau le billet, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il me convienne de ne plus l'avoir en ma possession. Et tu t'imagines que je serai assez dinde pour me laisser reprendre à ton trébuchet. Parfaitement, vu que si tu me refuses de renouveler le billet faux, il est aussitôt déposé au parquet, comprends-tu? Très bien. Or, si tu n'as que ce moyen-là de me dominer, ma chère, il te faut renoncer à cette douce espérance. Attends, dis-moi, connais-tu un petit journal appelé le Pilori? Non, moi je le connais. Il est méchant comme une vipère, et je le lis tous les matins parce que ses méchancetés m'éveillent. Mais par contre, je lis tous les soirs le Messager parce qu'il m'endort. Que me fait cela? Tu vas voir. As-tu lu le Messager d'hier au soir? Pourquoi cette question? Parce que l'on parle de toi dans ce journal. Eh bien, quoique hier au soir j'ai lu le Messager, les yeux à demi fermés, je me rappelle très bien qu'on y vantait, je ne sais plus à propos de quoi, le désintéressement d'un monsieur de Francheville, d'autant plus louable d'être désintéressé, disait-on, qu'il n'avait aucune fortune. Ensuite, or mon Anatole, reprend Cricri, accentuant lentement ses paroles, si tu n'as aucune fortune, dis-moi un peu où diable tu as floué l'argent que tu as dépensé pour moi et pour m'assurer mes 10 000 francs de rente, hein? À ces horribles paroles, M. de Francheville frémit, pâlit et se trouble malgré son assurance. Cricri, l'épiant d'un regard attentif, remarque la soudaine altération des traits du fonctionnaire et s'écrie d'un accent triomphant. « Je te tiens. Et aussi vrai que je ne suis qu'une coquine, tu es un vil coquin, mon Anatole. »« Infâme !» s'écrie M. de Francheville hors de lui et avec un mouvement menaçant. « Je te... pas de geste, sinon je casse un carreau. » Je crie à l'assassin et j'ameute la maison. » Et Cricri se rapproche précipitamment de la fenêtre, car l'expression des traits du vieillard devenait effrayante. Cependant, parvenant à se dominer, en réfléchissant que ce n'était qu'à force de sang-froid qu'il pouvait peut-être parer le coup qu'il redoutait, M. de Francheville reprend avec un sourire contraint. « J'ai eu tort d'oublier la grossièreté naturelle de votre langage, ma chère. Il est d'ailleurs des injures parties de si bas qu'elles ne peuvent atteindre un honnête homme. Tout ça, c'est de la blague. Tu as au moins dépensé pour moi, y compris la rente, 350 à 400 000 francs. Où les as-tu flibustés, puisque tu n'as pas de fortune? Je possédais des économies considérables. Des économies de 400 000 francs, c'est drôle. Combien donc tu as d'appointements? Dis-le donc un peu pour voir, à ton cri-cri, chéri, mon Anatole. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Vous êtes stupide, ma chère. Mettons que tu aies 20 000 francs par an, 30 000 francs si tu veux, et c'est là-dessus que tu aurais économisé cette... Vous êtes stupide, vous dis-je. Je pourrais d'un mot vous réduire au silence. Répond M. de Francheville, reprenant toute son assurance. Oui, je pourrais vous faire rougir de vos ignobles soupçons, si vous pouviez rougir. Voilà ce qu'on dit quand on n'a rien à dire. Tenez, pour vous confondre, je veux... Mais non, j'ai honte d'une pareille condescendance. J'en étais sûr. Sachez donc, et en vérité, je suis inexcusable de m'abaisser jusqu'à vous rendre des comptes. Sachez donc que j'ai joué à la bourse. J'ai gagné beaucoup d'argent, et comme dans ma position, il n'est pas convenable de jouer à la bourse, j'ai caché à tout le monde mes bénéfices, dont vous seul avez profité. Pas mal trouvé. Mais je ne donne pas dans le godan. Je t'ai vu bicher, pour ton malheur. Oui, lorsque je te croyais un négociant retiré nommé Duport, je t'ai dit, je veux une rente de 10 000 francs, sinon, bonsoir, mon Anatole. Tu as pleuré, t'écriant que tes ressources étaient à bout, tu étais désespéré, à preuve que tu arraches ton faux toupet. Tu me suppliais d'avoir pitié de toi. Tu me disais, je me le rappelle bien maintenant, et je te défie de le nier. Malheureuse, tu ne sais pas ce que tu me demandes en exigeant de moi cette rente. Que prouve tout ce verbiage, ma chère? Cela prouve que tu te débattais alors contre la pensée de la filouterie, sans laquelle tu ne pouvais pas m'assurer ma rente, et de cela, vois-tu, je mettrai maintenant ma main au feu. Et vous vous brûleriez en pure perte, ma chère. J'étais en effet fort gêné lorsque vous avez exigé cette rente. Votre rapacité m'indignait, m'arrachait des larmes dont vous avez eu l'infamie de rire. Mais je ne songeais à aucune filouterie, pour parler votre honnête langage. Le hasard a voulu que, le lendemain, j'ai gagné à la bourse une somme considérable qui m'a permis de satisfaire à votre exigence. La bourse, la bourse. Tu n'auras qu'un sou, tu répètes toujours la même chose. Je te dis, moi, que cet argent provient d'une coquinerie. J'admets, pour un moment, cette calomnie est encore plus sotte qu'elle n'est outrageante. Eh bien, après, que s'en suivrait-il? Il s'en suivrait que si ta coquinerie était découverte, tu serais déshonoré, tiens, que tu perdrais ta place, et que n'ayant qu'une fortune et étant trop vieux pour prendre un autre métier, tu crèverais de faim. Fort bien, reprend M. de Francheville avec un calme apparent. La perspective est affreuse. Il est dommage qu'elle ne soit qu'un rêve de votre méchanceté, ma chère. Le haut fonctionnaire, malgré son calme apparent, était terrifié en pensant que Cricri disait vrai. La prévarication dont il s'était rendu coupable étant par malheur découverte, ce serait pour M. de Francheville le déshonneur, un procès infamant, la prison, la ruine de sa carrière et enfin la misère, la hideuse misère. Et la créature qu'il croyait dominer était sur la voie de cette effrayante découverte qui pouvait le perdre. Il sentit donc la nécessité de redoubler d'audace afin d'imposer à Cricri et de pénétrer, s'il le pouvait, ses projets. Il reprit d'un air de froid dédain. « Ah ça, ma chère, en continuant d'admettre votre insolente supposition, il suffira sans doute, pour que l'on me croie coupable d'une coquinerie, il suffira donc que le fait soit affirmé par Mademoiselle Cricri, de qui la position sociale, la moralité, les honnêtes antécédents sont tels qu'elle sera crue sur parole. » Tu sens bien que je ne suis pas assez bête pour m'imaginer que la déposition d'une fille comme moi puisse perdre un homme comme toi. Alors à quoi bon ce bavardage? Fort impertinent et, de plus, fort assommant, je vous le déclare, ma chère. Attends donc, quand tu m'as connu aux Folies Dramatiques, je voyais souvent un jeune homme, rédacteur du feuilleton des théâtres, dans un petit journal appelé Le Pilori, qui éreinte le gouvernement. Ensuite, comme c'est toujours amusant de voir éreinter le gouvernement, je me suis, je te l'ai dit, abonné à ce petit journal, et je vois, de temps à autre, mon jeune rédacteur. Il est très amusant, et il a une langue de vipère. Or, puisque tu es secrétaire du ministre, tu fais quasi partie du gouvernement. Donc, de t'éreinter, ça retomberait sur le gouvernement, n'est-ce pas, mon Anatole? Parfaitement raisonné, ma chère, et puis après, tu vas voir. Si je disais, par exemple, à mon jeune homme, « Vous ne savez pas, mon petit, monsieur de Francheville, dont on vante le fameux désintéressement, d'autant plus fameux que ce vénérable homme n'a pas un sou de fortune, monsieur de Francheville m'entretient magnifiquement depuis 6 mois sous le nom de Duport, négociant en retraite. Et il vient de me donner 10 000 francs de rente. En voilà une bonne aubaine pour votre journal, Le Pilori. Si ce que je vous dis n'est pas suffisant, je vous donnerai des détails fièrement amusants. Allez, mon petit. » Entre autres, une scène de désespoir où M. de Francheville, voulant s'arracher les cheveux, arrachait son faux toupet. Bon, ce drôle insère ses impertinences dans son journal, répond M. de Francheville avec un redoublement de dédaigneuse assurance, quoiqu'il frissonne d'effroi et d'épouvante. Qu'est-ce que cela peut me faire à moi? Cela peut te faire que ceux qui ont intérêt à t'éreinter, vu que tu es du gouvernement, seront sur la voie de la coquinerie que tu as commise. J'en mettrai toujours la main au feu, quoi que tu en dises. Les journalistes sont malins, sont chercheurs. Ils finiront par découvrir le pot aux roses. Et alors, tu es flambé, mon Anatole. Tout ceci, ma chère, est insensé. Mais soit, il en est ainsi. Et parlant toujours votre langage, j'ai commis une coquinerie, je suis flambé. Je sais que de cette révélation qui me perd, vous êtes l'auteur. Qu'arrive-t-il? Je me venge et je fais déposer au parquet le billet faux. Et en ce cas, ma chère, vous savez ce qui vous attend. D'accord, tu me perds. Et nous sommes perdus tous les deux, voilà tout. Et de plus, comme je n'aurai plus rien à ménager, Je raconte au juge pourquoi tu m'as fait faire ce faux billet, et pour toi ce sera du propre. Enfin, si tant est qu'on me condamne à 10 années de réclusion, dame, c'est long, mais enfin ça se tire. J'ai à peine 18 ans. Je n'en aurai que 28 à ma sortie de prison. Je serai encore gentille, toujours noceuse, et je vivrai gaiement de mes 10 000 francs de rente. Qu'est-ce que je dis? De tes 10 000 francs de rente, mon Anatole, de tes 10 000 francs de rente, c'est bien plus drôle. Tandis que toi, tu serais déshonoré, chassé de ta place et réduit à crever de faim. Ha ha! Ajoute en riant aux éclats l'odieuse créature. Je terrible bec, tu ne réponds rien. C'est que tu te sens pincé, mon amour. Je te le disais bien, moi, tu croyais me tenir, c'est moi qui te tenais. Vous me faites pitié. Je ne te fais pas pitié, mais je te fais peur. Tu trembles. Allons donc, vous êtes folle. Possible, mais je ne suis pas aveugle. Je vois la sueur couler de ton front. Elle a défrisé ton faux toupet. Elle rigole le long de tes joues. Sans compter que tu es vert pomme. Mais regarde-toi dans la glace, mon Anatole. Regarde-toi donc. Tu as l'air d'un déterré. Monsieur de Francheville jette involontairement sur la glace en face de laquelle il se trouve un coup d'œil oblique et rapide et reste anéanti. Il reconnaît que malgré ses efforts surhumains afin de dissimuler ses terreurs, son visage livide et décomposé le trahit. Le misérable se voyait en effet perdu, déshonoré. Si l'opinion publique, déjà très émue des scandales du procès de l'un des ministres du gouvernement de Louis-Philippe, et mise de nouveau en éveil par les malins articles du pilori, commençait de scruter la vie intime du haut fonctionnaire, car bientôt l'opinion serait sur la voie de la vérité. Ces combinaisons d'une perfide habileté, à l'aide desquelles il avait cru à jamais assurer l'impunité de sa prévarication, tournera même contre lui. On rapprocherait les révélations si précises du pilori de la plainte en tentative de corruption déposée par M. de Francheville contre les soumissionnaires de la fourniture accordée par lui. On opposerait l'apparente honnêteté de la vie du secrétaire du ministre au dérèglement du vieillard prodiguant des sommes considérables à une courtisane, et les présomptions morales soulevées par ces rapprochements devaient suffire, à défaut de preuves matérielles, à incriminer gravement la conduite privée de M. de Francheville aux yeux d'un gouvernement devenu d'autant plus sévère pour ses employés qu'il venait de ressentir cruellement le contre-coup du mépris public dont l'un de ses membres avait été l'objet. Les actes de M. de Francheville seraient donc soumis par le pouvoir lui-même à une enquête rigoureuse, inexorable, et malgré sa ruse, ses adroites précautions au sujet de sa vénalité, il était presque certain de l'avoir découverte, ou au moins de se trouver sous le coup d'une suspicion assez fâcheuse pour être obligé de donner sa démission. Et pour lui, c'était encore le déshonneur et la misère, puisqu'il ne possédait aucune fortune.